jour la terre s'arrêtera de tourner. Le ciel va-t-il tomber sur nos têtes? Les fleurs pousseront-elles un jour à l'envers? Quel mystère se cache encore sous les dunes? Je ne sais toujours pas. Toujours.